parler de golf avec notre ami Michel Lallemand. C'est la chronique du club de golf de Chicoutimi. Salut Michel! Bonjour Denis. Michel, quelle belle journée. Est-ce qu'il fait aussi beau à Chicoutimi? Ouais, il fait aussi très très beau. Soleil mur à mur. Okay. On nous annonce 20 à 25 pour toute la semaine. En allant jusqu'à dimanche. On annonce du beau temps jusqu'au 15 septembre. Et de ce qu'on peut voir, là, les prévisions à long terme. Et on dit même que l'hiver pourrait arriver très en douceur. Donc, on s'aperçoit de plus en plus que les périodes estivales est plus tard. Hein? Oui, puis pour le golf, c'est malheureux parce que le golf, c'est vraiment la période d'été, juillet, août, qui sont les gros mois d'activité. Par contre, au niveau des membres, plus qu'on a encore de belles journées, plus qu'on va pouvoir profiter de superbes conditions, possiblement pour aller jusqu'à l'Action de grâce à l'Émiotop. OK. Parlons maintenant de Pierre-Alexandre Bédard qui commence son tournoi cette semaine. Oui, aujourd'hui, il est au Royal Bromont. Ouais. Participe au tournoi de l'Association des professionnels du Québec. C'est un tournoi sur deux jours. Okay. Ça lui donne d'autres expériences de compétition. Puis on est convaincu qu'il va avoir encore une belle performance. Ben, on a bien hâte de voir ça et on va lui parler probablement en début de semaine prochaine. Parlons maintenant de la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passait la semaine passée? Hein? La semaine dernière, on n'avait pas grand-chose de spécial. Okay. Plutôt en fin de semaine que pour une première fois, on a mis des activités à la fête du travail. Ouais. Puis en plus, comme on le mentionnait, la température devrait être au rendez-vous. Donc, samedi, on a un tournoi amical en équipe de trois, formule 6-6-6. Okay. Puis dimanche, un tournoi plus compétition par classe en équipe de deux, à formule 2 balles au meilleur trou. OK, donc 2 balles au meilleur trou. Donc, on va surveiller ça de très, très près. Ça va se poursuivre toute la fin de semaine, quoi? Toute la fin de semaine, samedi, dimanche. OK. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine, là, Michel? Ça fait le tour cette semaine. Donc, c'est sûr que c'est plus tranquille, évidemment. On s'en va tranquillement, mais sûrement vers la fin de l'année. Donc, voilà. Oui, effectivement. Donc, c'était la chronique du club de golf de Chibougamau avec Michel Lallemand.